Représentant, extrait d'un article de Dolbach. Les représentants d'une nation sont des citoyens choisis qui, dans un gouvernement tempéré, sont chargés par la société de parler en son nom, de stipuler ses intérêts, d'empêcher qu'on ne l'opprime, de concourir à l'administration. Dans un état despotique, le chef de la nation est tout. La nation n'est rien. La volonté d'un seul fait la loi. La société ne pouvait représenter. Telle la forme du gouvernement en Asie, dont les habitants soumis depuis un grand nombre de siècles à un esclavage héréditaire n'ont pas imaginé de moyens pour balancer un pouvoir énorme qui sans cesse les écrase. Il n'en fut pas de même en Europe. Les citoyens, choisis pour être les organes ou les représentants de la nation, suivant les différents temps, les différentes conventions et les circonstances diverses, jouirent de privilèges et de droits plus ou moins étendus. Telle est l'origine de ces assemblées connues sous le nom de diète, d'états généraux, de parlement, de sénat, qui presque dans tous les pays de l'Europe participèrent à l'administration publique, approuvèrent ou rejetèrent les propositions des souverains et furent admis à concerter avec eux les mesures nécessaires au maintien de l'État. Dans un État purement démocratique, la nation, à proprement parler, n'est point représentée. Le peuple entier se réserve le droit de faire connaître ses volontés dans les assemblées générales composées de tous les citoyens. Mais dès que le peuple a choisi des magistrats qu'il a rendus dépositaires de son autorité, ces magistrats deviennent ses représentants. Et suivant le plus ou moins de pouvoir que le peuple s'est réservé, le gouvernement devient ou une aristocratie ou demeure une démocratie. Dans une monarchie absolue, le souverain ou jouit du consentement de son peuple, du droit d'être l'unique représentant de sa nation, ou bien, contre son gré, il s'arroge ce droit. Le souverain parle alors au nom de tous. Les lois qu'il fait sont, ou du moins, sont censées l'expression des volontés de toute la nation qu'il représente. Dans les monarchies tempérées, le souverain n'est dépositaire que de la puissance exécutrice. Il ne représente sa nation qu'en cette partie. Elle choisit d'autres représentants pour les autres branches de l'administration. Dolbach conteste ensuite la légitimité du pouvoir féodal fondé sur la force de quelques, entre guillemets, brigands heureux et dont il souligne les effets désastreux. Opprimer, piller, vexer impunément le peuple sans que le chef de la nation pût y porter remède, telles furent les prérogatives de la noblesse dans lesquelles elle fit consister la liberté. En effet, le gouvernement féodal ne nous montre que des souverains sans force et des peuples écrasés et avilis par une aristocratie, armés également contre le monarque et la nation. Ce ne fut que lorsque les rois eurent longtemps souffert des excès d'une noblesse altière et des entreprises d'un clergé trop riche et trop indépendant qu'ils donnèrent quelque influence à la nation dans les assemblées qui décidaient de son sort. Ainsi, la voix du peuple fut enfin entendue. Les lois prirent de la vigueur, les excès des grands furent réprimés, ils furent forcés d'être justes envers des citoyens jusque-là méprisés. Le corps de la nation fut ainsi opposé à une noblesse mutine et intraitable. Dans quelques mains que le pouvoir soit placé, il devient funeste s'il n'est contenu dans des bornes. Ni le souverain, ni aucun ordre de l'État ne peuvent exercer une autorité nuisible à la nation. S'il est vrai que tout gouvernement n'est pour objet que le bien du peuple gouverné. La moindre réflexion eût donc suffi pour montrer qu'un monarque ne peut jouir d'une puissance véritable s'il ne commande à des sujets heureux et réunis de volonté. Pour les rendre tels, il faut qu'il assure leur possession, qu'il les défende contre l'oppression, qu'il ne sacrifie jamais les intérêts de tous à ceux d'un petit nombre, et qu'il porte ses vues sur les besoins de tous les ordres dont son État est composé. Nul homme, quelles que soient ses lumières, n'est capable, sans conseil, sans secours, de gouverner une nation entière. Nul ordre dans l'État ne peut avoir la capacité ou la volonté de connaître les besoins des autres. Ainsi, le souverain impartial doit écouter les voix de tous ses sujets. Il est également intéressé à les entendre et à remédier à leurs maux. Mais pour que les sujets s'expliquent sans tumulte, il convient qu'ils aient des représentants, c'est-à-dire des citoyens plus éclairés que les autres, plus intéressés à la chose que leur possession attache à la patrie, que leur position met à portée de sentir les besoins de l'État, les abus qui s'introduisent et les remèdes qu'il convient d'y porter. Nul horde de citoyens ne doit jouir pour toujours du droit de représenter la nation. Il faut que de nouvelles élections rappellent aux représentants que c'est d'elles qu'ils tiennent leur pouvoir. Un corps dont les membres jouiraient sans interruption du droit de représenter l'État en deviendrait bientôt le maître ou le tyran.